Salope, la parvenue, je l'attends encore cette catin, mais tu lis un peu dans la main. Sa maison à la tristesse, sa joue toute la colère et le doute. Énergique, je frappe à sa porte. Hors de question qu'elle s'en sorte. On m'apprend qu'elle est partie avec mon meilleur ami. Lui non plus n'a pas appelé le maquereau, lui l'enfoiré. Je l'attends encore, le salaud, son poignard planté dans le dos. Enfermé à double tour, je constate que l'amour m'a joué. Bien vilain tour, deux fois dans le même jour. Les tulipes sont à la poubelle, sans constance elles ne sont plus belles. Le couteau laisse quant à lui une blessure profonde à vie. Depuis personne n'est venu, je suis seul, je suis perdu. Pas un amour à l'horizon, sauf celui de cette chanson. Depuis je chante mon malheur, mon port de France dans le cœur.